Radiomatic. $12.50, press return. Sur une pièce composée par Clint Mansell pour la trame sonore du film Pi, réalisé par Darren Aronofsky, que s'ouvrait la transmission 288 d'Audiomatic. La pièce 2PR que nous avons entendue est une version du thème principal du film qui se retrouve sur la trame sonore avec des pièces de plusieurs autres artistes forts de la scène électronique des années 90, notamment Orbital, Aphex Twin, Otaker, Banco de Gaia et Space Time Continuum. Soulignons au passage que Clint Mansell, en plus d'avoir fait plusieurs des bandes sonores des films de Darren Aronofsky, est connu pour avoir été le chanteur et guitariste de la formation Pop Will Eat Itself. Audiomatic avec les sonoristes au 89.1 FM, là où vous n'avez pas à vous faire tirer l'oreille, vous n'avez qu'à l'attendre. Les phares des voitures allument mon plafond comme si elles me cherchaient. Elles passent de grand vroom en grand vroom et j'entends des portes qui claquent. Allongé marche le long. J'entends des gens qui parlent en verlan, à l'arraché, comme pour ralentir le temps, comme si ça pouvait marcher. J'entends et je croise mes pieds dans le vide, et les voitures passent, les pompiers bleuissent le plafond dans leurs alarmes gyrophares. De belles lueurs et se brouillent avec le noir. Les policiers rebellissent le plafond, par contre ils vont plus vite. À fond, encore une attaque. L'empire contre-attaque du voisin est sur mes coussins, mes reins. J'écoute allongé, les pieds en l'air, les gens qui passent. Les phares blancs encore. Et des fois bleus. Toujours les mêmes feux, les mêmes alertes de ville. Des courses de la nuit qui me donnent envie de sauter du lit et d'aller courir dehors. En plus, en direction du Mont Blanc, vers une montagne russe. Je sens que ça bouge, on dirait que ça frotte. C'est ma voisine. Le mur bouge. Le mur bouge. Toute la nuit, il bouge. C'est décidé. Demain, je vais voir derrière de commencer devant, en face et par-dessus les fenêtres de chez ma voisine. Et je lui dirai. J'ai des fourmis dans les jambes, alors je marche tous les soirs, éclairé par les phares, dans le noir, sur ces murs, et que je sens ses pieds maquillés contre les miens, nus, les siens, en pantoufles, tout vêtu de rose et de noir. Enfin, j'imagine que ma choque-pied, un petit noir. out your wallet. So the cops come rushing in. It was a matter of a simple time. Too much to ask. Now you didn't turn the lights off. So the fat man crashes in. It was a matter of a simple thing. Now you got nothing. Simple rule. Didn't you think it through? Now you didn't turn the lights off. So the cops come rushing in. It never ends at that. Evil is a relay sport when the one who's burned turns to pass. Cette séquence à Audiomatique se terminait avec la musique de l'artiste américaine Fiona Apple et sa chanson Relay de son plus récent album Fetch the Bolt Cutters, qui est paru le 17 avril 2020 et qui est, selon plusieurs, le plus expérimental de ses albums. Précédemment à Fiona Apple, nous avions droit au groupe américain Other Lives et leur composition Cops, extraite de leur tout dernier album For Their Love, sorti le 24 avril dernier. Et pour débuter, il s'agissait du groupe français Des Fourmis dans les Mains, qui nous interprétait la pièce Les Phares, que l'on retrouve sur leur deuxième album On entendra chanter les loups, lancé en 2009. Audiomatique se poursuit sur la musique de l'artiste Damon Lux et son Black Monument Ensemble. Thank you. 6 months, but I feel adventuresome. I don't think I'm just gonna stop, sit down. I don't necessarily mean singing or I'm not a lecturer, I'm not a writer, I'm not a I'm just I guess I'm a performer, but I feel creative. I feel I need to be around people. I like it now. And I don't know what I'm gonna do, but I'm not gonna stop. I'm not gonna stop. I'm not gonna stop. Thank you. afraid for far too long. I've been a rage in my songs. I've been a rose. I've been a rage. I've been a rose. I've been a rage. I've been a rose. Thank you. toujours à Audiomatic en compagnie des Sonoristes. Cette séquence de trois pièces s'achevait sur la musique de la formation Arcana, dont nous écoutions la pièce Inceptus tirée du dernier album As Bright as a Thousand Suns, paru en 2012. Avant Arcana, nous entendions une pièce de Dead Can Dance enregistrée en concert, soit Desert Song, qui se retrouve sur l'album live Towards the Within, paru en 1994. Et pour amorcer la séquence, c'était l'artiste Damon Lux, accompagné de son Black Monument Ensemble, qui nous offrait The Colors That You Bring, pièce tirée de l'album Where Future Unfolds, enregistrée lors d'une performance en novembre 2018 à Chicago. Les Sonoristes vous présentent maintenant à Audiomatic le groupe américain Maserati. Nous entendions à Audiomatic l'artiste anglais Alex Banks et sa composition New Wonder, ici remixée par Lost Unicorns. Cette version se retrouve sur le mini-album Beneath the Surface Remix EP 1 et la version originale de New Wonder, quant à elle, est parue sur l'album Beneath the Surface d'Alex Banks, sorti en 2019. Et pour introduire ce segment musical, nous vous avons présenté le groupe Maserati, de qui nous entendions la pièce San Angeles qui ouvre leur album Maserati 7, qui, comme son titre ne l'indique pas, est le cinquième album du groupe. La transmission 288 d'Audiomatic se conclura sur la musique du trompettiste américain Ambrose Akinmusire, accompagné de la chanteuse Becca Stevens, pour la pièce Our Basement, composée pour l'album The Imagined Savior Is Far Easier to Paint, paru en 2014. C'est avec assurance que nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou pour la transmission 289 d'Audiomatic. Entre-temps, vous avez le loisir d'écouter ou de réécouter les anciennes émissions en balado-diffusion par l'entremise de nos plateformes, comme entre autres facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Ambrose Akinmusire et la chanteuse Becca Stevens qui nous interprète la pièce Our Basement. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. Light. Your eyes were aglow like two moons. Then your smile shot through me, tranquilizing all the ache. And now I'm higher than the street lights fading on beneath the sky's blue. I imagine you doing simple things like humming one part of a song that you like, singing out the words that summer fever's all you think. No drug can escape this relentless heat. A familiar sound passing by cools everything, and I hide my face behind the shame of all the sins that keep that sound from me. And imagine you doing simple things like humming one part of a song that you like, singing out the words that move you down the avenue while I watched you walk. Thank you.